C'est l'heure de retrouver Franck Ferrand aujourd'hui dans l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 4 janvier avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 4 janvier 1961, Raphaël, ce jour-là, les États-Unis rompent les relations diplomatiques avec le gouvernement cubain, autant dire avec Fidel Castro. En ce 4 janvier, à La Havane, on est donc à l'ambassade américaine, un certain nombre de diplomates vont détruire des documents potentiellement compromettants, et puis 3 Marines amènent le pavillon, le plient soigneusement, vous savez, il y a tout un cérémonial, et le renvoient gentiment aux États-Unis. Dites-moi Franck, les relations n'étaient de toute façon pas vraiment au beau fixe. Ah non, pas au beau fixe. Il est vrai que dans un premier temps, en 59, les États-Unis avaient été parmi les premiers à reconnaître le gouvernement de Castro. C'était juste après que Castro avait renversé le dictateur Batista. Seulement, quelques mois plus tard, le nouveau patron de La Havane avait nationalisé les avoirs étrangers. Et quand on parlait d'avoirs étrangers, évidemment, c'était d'abord les avoirs américains qui étaient concernés. Et ça, c'est un défi qui avait été lancé à la face de Washington. Après quoi, Cuba est allé jusqu'à se tourner vers l'Union soviétique. La situation s'est donc dégradée jusqu'à cette rupture officielle de janvier, du 4 janvier 1961. 1961, c'est aussi l'année de la baie des cochons, si j'ai bonne mémoire. Oui, vous avez tout à fait bonne mémoire. En avril, des opposants cubains entraînés par la CIA vont débarquer dans la fameuse baie des cochons. On est là dans une des grandes opérations du début de la présidence Kennedy. Le but, c'est de tenter de reprendre le pouvoir, seulement c'est un fiasco intégral. Cette fois, la rupture va être totale et le 23 février de l'année suivante, les États-Unis mettent en place leur fameux embargo. Il va falloir attendre 54 ans jusqu'à l'été 2015 pour que les 3 mêmes Marines, on a choisi évidemment les 3 mêmes personnes qui en 1961 avaient plié la bannière étoilée, pour qu'ils reviennent, ces Marines, à Cuba et qu'ils lèvent à nouveau les couleurs américaines dans le ciel de La Havane. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Ah oui, et nous parlerons du sujet d'un film. Vous avez peut-être vu L'échange des princesses, et eh bien ça nous permettra d'aller passer une heure dans le beau 18e siècle. À tout à l'heure, Franck. Et d'histoire, on va continuer.